Du jamais vu chez Delbo Automobile et jusqu'à la fin du mois seulement. À l'achat d'un modèle 2018 en inventaire, nous payons les 12 premiers mois de votre financement. Vous avez bien entendu, un an de paiement à nos frais à l'achat d'un Chevrolet Silverado 2018, d'un GMC Sierra 2018, d'un Buick Enclave 2018 ou encore d'un GMC Acadia 2018 en inventaire lors d'un financement de 96 mois. Nous avons encore 11 unités disponibles. Venez faire un essai routier chez Delbo Auto, votre concessionnaire Chevrolet Buick GMC. L'impact de Noël. On va parler de soccer avec Benoît Lavoie d'EspaceSoccer.com, la référence du soccer au 5-Saint-Jean. Salut Benoît. Salut Danny. Benoît, si on parle un peu de la du côté de l'impact de Montréal, c'est une saison quand même. C'est un bon début de saison comparativement à la semaine. L'année dernière sur Rémi Garde. Ben oui, c'est un bon début de saison. Écoute, malgré le match qu'on échappait à Kansas City, là, la défaite de 7-1, là, mais on joue une fiche de 500, deux victoires, deux défaites, deux nuls. Donc, on s'aperçoit qu'avec une fiche de 500, l'impact est en mesure d'être en septième position, une position qui présentement est favorable à participer à la Coupe MLS en fin de saison. Et on va se rappeler que l'année passée, en fin de saison, les points qu'ils ont manqués dans la saison, dans leur début de saison de l'année dernière, c'est ça qui a fait qu'ils ont manqué les séries de la Coupe MLS. Donc là, je pense que c'est intéressant de voir ça. Ce que je trouve un peu surprenant, Danny, c'est de voir que on joue aujourd'hui à Montréal notre premier match au Stade Saputo et on retourne encore deux matchs à l'étranger consécutifs. Alors, je comprends pas par ce fait que déjà dans les trois prochains matchs, on en joue encore deux à l'étranger là-dedans. Un calendrier, on garde probablement plus de matchs à Montréal plus tard dans la saison. Ben oui, effectivement. C'est bien correct demain. Écoute, c'est sûr que c'est la température. Hein. C'est la température au mois de mars, c'est même pas pensable de jouer au Stade Saputo. Donc c'est pour cette raison, évidemment, qu'on débute à l'étranger. Par les années passées, on faisait ça au Stade Olympique, mais je sais pas pourquoi cette année on a décidé de laisser le Stade Olympique pour le Saputo. Ben, je pense le terrain, la surface au Stade Olympique a été critiquée souvent, là, la surface du Stade Olympique. Ouais. Je me souviens quand on jouait les matchs de la CONCACAF, là, il y avait des critiques souvent. Puis il y a même eu des critiques lors de la Coupe du Monde féminine, là, de laisser les joueuses jouer des joueuses là-dessus. Donc, en tout cas, je sais pas ce qui va se passer avec ça. Mais on sait qu'en 2026, il va y avoir un travail à faire par rapport à la Coupe du Monde qui s'en vient. Si Montréal obtient, surface... c'est pas fait encore, là, que Montréal va obtenir un. Ben, ouais, Montréal va avoir des matchs, c'est sûr. Pour le moment, en tout cas, c'est pas encore confirmé. Ben non, mais moi je suis pas mal sûr que Montréal va avoir des matchs, donc on va rénover le Stade Olympique au niveau de la surface, au niveau de l'éclairage qu'on a parlé. J'ai hâte de voir qu'est-ce qui va se faire, mais moi je suis certain qu'il va y avoir de quoi qui va se faire à ce niveau-là. OK. Si on y allait maintenant avec ce qui s'est passé puis tu sais, je veux dire, le bon début de saison, ça fait combien de temps qu'Ignacio Pelletier n'a pas joué? Ça fait plusieurs deux, trois matchs. Ça fait déjà trois matchs, oui. Ouais. Moi, je me souviens du match avec Kansas City que moi j'avais dit, justement, je fais des chroniques avec Michel Tifo, j'avais dit que j'ai hâte de voir comment est-ce que l'impact va réagir sans Piatti. Et ce match-là, on l'a perdu 7-1. Il faut rappeler que la semaine dernière, par contre, Danny, j'aimerais te ramener le match j'aimerais te parler un peu du match à New York sur le terrain du Yankee Stadium. Ouais. Je trouvais ça un petit peu ridicule. Ben, c'est de voir la Quen, là. Ouais. Il y a un morceau de Quen qui est parti. Je pense que c'est pas une place pour, il semble pas avoir de projet, là, pour un nouveau stade ou, pour un, c'est très limite. Déjà, c'est particulier de jouer dans un stade qui est très borderline. Ben, c'est bien beau dire qu'on joue dans un stade mythique de baseball, mais c'est au baseball. Là. On n'est pas au baseball, là, on est au soccer, au football. Là. Ouais. On dirait qu'on recule à ce niveau-là. Puis la MLS qui dit qu'il est un des 10 plus grands circuits dans le monde, ça fait un petit peu broche à foin. Ça fait un petit peu pic-pic broche à foin à ce niveau-là. En tout cas, j'espère qu'il y a un projet de futur là, pour ce club-là à New York. Tant qu'à ça, aller jouer dans le stade du Red Bull, là. C'est peut-être pas dans le même secteur là, de la ville, là, mais quand même. Oui, effectivement, je suis d'accord avec toi là-dessus. Dani, j'aimerais juste te dire aussi que les deux matchs qu'ils ont joué cette semaine, l'Impact, je dirais, on a vu le match à New York où on n'a pas vu grand-chose de l'Impact, tu sais, contre l'équipe du... New York City, au niveau de la possession de balles, je pense que l'Impact avait même pas 35% de possession de balles. C'était vraiment un match misérable de l'Impact au niveau de l'attaque. Ce 0-0-là, on était chanceux de s'en sortir avec un 0-0. Et quoi que par la suite, mardi dernier, contre DC United, avec l'absence de Wayne Rooney et de Piatti aussi, là, on a vu une équipe B de l'Impact, si tu veux, parce que Rémi Garde a quand même mis 5 ou 6 ou 7 joueurs qui sont habituellement sur le banc. On a fait des essais. On a vu Jackson Hamel qui a eu son premier match partant. Je pense qu'il mérite des matchs aussi. Il mérite autant de matchs, selon moi, que Ruti, parce que Ruti n'a pas marqué de but non plus. Et on a eu quand même 5 Québécois sur le 11 partant du match de mardi. Et on a vu une belle performance de l'Impact contre le DC United. Donc, ça, c'est intéressant là, d'avoir vu ce match-là, d'avoir autant de réservistes là, sur le 11 partant. Donc, je pense que ça, c'est intéressant pour le futur. Les Québécois, la saison pour l'Impact. Effectivement. Ouais. Ça peut être bon pour la sélection nationale aussi. Oui, oui. Des gars comme Chouanière, ça en est bien sorti. Piette qui joue. Moi, je pense que présentement, Bush et Samuel Piette sont les deux joueurs là qui font un super début de saison depuis le début de l'année. Faut pas oublier le gardien Bush. Et moi, en tout cas, Samuel Piette, je le mets là, un des meilleurs joueurs depuis le début de la saison. Ouais, effectivement. On va y aller maintenant, donc, du côté de la Ligue des Champions. Comment ça se passe? La Ligue des champions Europe, on a les matchs de quart de finale qui se sont joués la semaine dernière, mardi, mercredi dernier. C'était les quarts de finale match aller. Donc, la semaine prochaine, mardi, mercredi dernier, on va avoir des super rendez-vous. Les matchs vont avoir lieu à 4 matchs. Donc, tout d'abord, on a eu un match Ajax-Amsterdam-Juventus. Ouais. L'équipe d'Amsterdam, Dani, c'est elle qui a éliminé le Real Madrid. Hein. Le Real Madrid, on a vu le retour de Zidane. Ça faisait 3 ans qu'il remportait consécutivement la Ligue des champions. Ça ne s'était pas vu depuis beaucoup d'années. Donc, une surprise. Ce club-là était surveillé. On a vu une super tête de Ronaldo, encore, qui marque des buts encore à profusion en Ligue des champions, Cristiano Ronaldo. Donc, ils ont pris les devants et Amsterdam a égalisé. Donc, le match retour aura lieu à Turin, donc en Italie. Mais on ne sait jamais, l'Ajax pourrait causer la surprise. Mais moi, je pense que le Juventus devrait le remporter à ce niveau-là. Dans un autre quart de finale, on avait Manchester United, FC Barcelone. Le match a eu lieu en Angleterre. Une victoire du FC Barcelone 1-0. Pas un grand match du FC Barcelone, mais une victoire de 1-0. Donc, le match retour aura lieu au Camp Nou à Barcelone mardi prochain. Donc, ça va être à surveiller. Est-ce que Manchester United causera la surprise comme ils ont fait avec le Paris Saint-Germain en 8e de finale? Mais il faut dire que Barcelone-PSG, c'est pas le même club. Il y a un joueur qui s'appelle Messi dans ces deux clubs-là. Donc, à surveiller. Messi a été attaqué là par un milieu de terrain anglais. Là, et il l'a frappé. Messi est resté par terre quelques minutes, là, saignait du nez abondamment. Je sais pas s'il va jouer aujourd'hui en championnat. Le Barça jouait aujourd'hui ce matin, je crois. Et dans les deux autres quarts de finale, Dani, eh bien, t'as un quart tout anglais entre Tottenham et Manchester City. Une victoire, le premier match a lieu à Tottenham dans le nouveau stade des Spurs. Un stade de 700 millions, je pense qu'il frise de milliards de dollars. Il vient d'être ouvert. Il y a eu des retards, mais il semble que c'est tout qu'un stade, Dani. Si tu veux aller voir sur le YouTube, là, j'invite les gens à aller voir le nouveau stade de Tottenham, là. La qualité des installations de ce club-là. Donc, ils ont remporté leur match à la maison 1-0 contre le Manchester City. On sait que Manchester City est en première position dans le championnat avec Liverpool, donc ça va être serré le match retour. Guardiola semblait pas trop déçu de la performance de ses joueurs, mais attention au match retour. Et dans le dernier quart de finale, Dani, t'as une équipe qui pourrait surprendre cette année. On sait qu'ils ont perdu l'an passé en finale, le FC Liverpool. Une victoire de 2-0 contre le club portugais du Porto, FC Porto. Donc, le match avait lieu à Porto en plus. Donc, non, le match avait lieu à Liverpool. Il faut écouter, Dani, les débuts de match du Liverpool, là, les chants des spectateurs. Ouais. C'est quand même assez incroyable, la chanson fétiche du club, là. Walk Alone, là, une chanson qui est chantée. Là, c'est vraiment impressionnant de voir ça. Je t'enverrai un lien, Dani, pour que tu regardes ça. C'est vraiment intéressant. Donc, le match retour aura lieu mercredi prochain. Moi, Dani, de mon souhait à moi, ce serait d'avoir une finale. Le tableau, la façon que le tirage au sort a été fait, il y a une possibilité d'avoir une finale Ronaldo-Messi, FC Barcelone-Juventus. Est-ce que les clubs vont trébucher? Ça fait 3-4 ans de suite que le Barça trébuche encore de finale et on a dit cette année qu'on voulait remporter la Ligue des champions. Donc, une finale Barcelone-Juventus, ça serait mon choix et du même coup, on retrouverait Messi et Ronaldo. Ouais, effectivement. Benoît, tu sais que Dans les pays d'Amérique du Sud, c'est malade, hein, le soccer. Là. L'Argentine, le Brésil, l'Uruguay, tous ces pays-là, c'est complètement débile, hein, le soccer. Hein. T'es d'accord avec moi? Oui, ben ça bouge beaucoup. Écoute, comme je te dis, je sais pas si à toi j'en ai parlé, la série Netflix à la télévision, ouais. Là, c'est intéressant. Il y a un reportage, un documentaire qui a été fait sur tous les gagnants des différentes Coupes du Monde de chaque pays. Là. On parle de l'Uruguay, du Brésil, de l'Argentine, et ça parle de la politique, de l'histoire, parce qu'il y a de la politique là-dedans aussi. Hein. En Allemagne, en Italie, dans le temps de la guerre et puis tout ça, la France, alors tous les champions, l'Espagne, tous les champions de Coupe du Monde, il y a un reportage qui a été fait par de ces pays-là. Puis oui, comme tu viens de le mentionner, en Amérique du Sud, là, il y a des endroits là, dans les stades, là, il y a des barbelés là, pour les fans. Ah, c'est complètement surtout, malade. Surtout au niveau des clubs, pas au niveau des équipes nationales. Ouais. C'est plus au niveau des clubs là, dans certaines villes, là, que c'est assez hot, on va dire. Là. Ce que je veux te dire, c'est que je vais t'envoyer également... T'as-tu vu cette semaine passer un jeune de 17 ans qui a été tué la semaine passée dans une tuerie en Colombie. Et le jeune était tellement mordu de sa carte qu'on a amené le cercueil dans le match, dans la foule. Et tu vois, le jeune assiste au match de soccer. Évidemment, il est décédé, là, mais tu vois un cercueil dans une foule. Ah, incroyable, pareil. Ces pays-là, c'est complètement débile. Ah, c'est ça, c'est débile. C'est comme ça. C'est dans le sang, ça fait partie de leur culture. On ne peut pas comparer ça ici. Non, c'est sûr. D'autres choses. En Afrique aussi, il y a des endroits en Afrique que c'est assez. C'est des pays pauvres aussi, là. Puis, souvent, par le ballon rond, des fois, ils sortent des joueurs, puis ça permet après ça, ces joueurs-là deviennent professionnels, puis ils gagnent de l'argent, puis ils aident après ça le pays ou le village à avancer un peu. On voit ça souvent aussi, là. Mais oui, c'est spécial. Mm-hmm. Effectivement. On s'en reparle, Benoît, dans 2 semaines? Oui, quand tu voudras. Benoît Lavoie d'EspaceSoccer.com, la référence soccer au Saint-Lac-Saint-Jean.